Bonsoir chers auditeurs de l'Asile Le Plus Sûr sur l'antenne du 94 MHz ou sur asile35.blogspot.fr. Après la spéciale pot pourri de Noël de la semaine dernière, émission que vous pouvez d'ores et déjà podcaster sur le podcast de l'émission, je propose pour la dernière de l'année un florilège des pépites discographiques de l'an 2013. Alors évidemment le choix a été rude et plutôt cornélien. Donc, au lieu d'un spécial best-of, il s'agira plutôt de galettes qui ont émoustillé mes sens cette année et que je voulais réentendre ici. Et on démarre avec Blood Music, qui est un maxi 45 tours sorti en printemps 2013, donc un peu avant l'été, sobrement appelé EP. Il s'agit du projet londonien de monsieur Simon Pomeroy, qui est quelqu'un qui écrit aussi de la poésie. C'est sorti sur Diagonal, une sorte de croisement entre Sonic Youth et Faust. Bref, le genre de musique qui me donne envie de sauter partout et une bonne décharge d'endorphine pour préparer 2014 avec Blood Music et le titre Rare Earth Material. We'll be right back. deux excellents disques de 2013 qui donnaient envie de foutre des coups de pied à son sapin et d'exploser les boules de Noël sur les murs. La musique de Monsieur Simon Pomeroy alias Blood Music. Alors le nom du projet est assez pourri, mais en tout cas ce qu'il produit est plutôt pas mal, notamment ce EP avec lequel on a démarré, qui figure d'ailleurs dans le florilège 2013 de Monsieur William Bennett himself, l'ex White House et promoteur de Cut Hands depuis quelques années. Blood Music vient de sortir aussi un CDR live en édition limitée qui doit être en écoute sur internet d'ailleurs sous le titre Febrile Disorder. Ah, il pratique plutôt la musique assez noise et industrielle également en concert. Alors c'est pas extrêmement audible Febrile Disorder, par contre ce EP sans titre de Blood Music sorti sur Diagonal est toujours disponible et hautement recommandable. Voilà pourquoi on a démarré cette spéciale 2013 avec le titre donc Rare Earth Material, qui est un morceau assez long, deux très longues pièces et deux impromptus un peu biscordus pour ce EP de Blood Music qui était enchaîné avec un disque qu'on vous a proposé dans l'Asile le plus sûr ces dernières semaines. Il s'agit du dernier disque en date de Guerilla Tos qui est sorti début décembre. Il s'intitule Gay Disco, sorti en vinyle exclusivement sur NNA Tapes, et on avait donc eu l'occasion de vous dire tout le bien qu'on pensait de ce nouvel opus de ce combo originaire de Boston, avec lequel on avait commencé l'année d'ailleurs par un disque qu'ils avaient sorti chez Tzadik. On va continuer toujours dans le côté free rock très énergique avec un autre projet américain. Là il s'agit de New York et le groupe Zevius qui a sorti un excellent disque sur Cuneiform fin septembre, très exactement, sous le titre Passing Through the Wall, un trio basse, batterie, guitare, donc très classique, mais la musique l'est nettement moins, des séquences très fracturées, un sens des combinaisons alchimiques passionnant. Je propose d'écouter un titre qu'on n'avait pas passé d'ailleurs, on a déjà passé deux séquences de ce Passing Through the Wall. Je vous propose d'écouter un titre peut-être de circonstance, This Could Be the End of the Line par Zevius dans l'Asile le plus sûr. We'll be right back. don't fade. Hear them leave, see no trace. Listen, hear the refrain. Fantasies I can't shake. Hear them ring, see the traces. Listen, hear the refrain. Listen now the refrain. Nouvelle pépite pour cette spéciale 2013 avec des disques qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. Trois titres enchaînés. On a démarré avec le free rock brut de décoffrage de Zevius. Une découverte en ce qui me concerne. C'est leur deuxième disque qui est sorti sur le label Cuneiform sous le titre Passing Through the Wall, qui était enchaîné avec le retour des Wall Fives, le trio de noise industriel le plus fameux du Michigan, qui a sorti son nouvel opus à diffusion un peu plus large que leurs nombreuses cassettes et CDR sorties notamment sur Hospital Production. C'est sorti en CD sur Dustigel au printemps, mois d'avril, sous le titre No Answer Lower Floors. John Olson et Nate Young qui ont recruté un tout nouveau membre en la personne de James Baljo, donc Wolfies, qui a fait une petite tournée européenne d'ailleurs, qui est passé par Paris à plusieurs reprises, mais uniquement Paris si je ne m'abuse, et un disque pour le moins réussi pour le groupe du Michigan, avec des choses assez reconnaissables dans les musiques industrielles, sans doute un tantinet moins harsh noise que ce qu'il pouvait produire il y a de ça une douzaine d'années, mais c'est de l'énergie bien maîtrisée. Et c'était suivi par un autre trio sous le nom de Power Dove, qui est le projet à géométrie variable de Miss Annie Lewandowski, originaire du Minnesota, qui a ce projet Power Dove depuis 2007 et qui a fait paraître un nouveau disque également au printemps sous le titre Do You Burn sur Murai Music et African Tapes réunis. Et pour cet album, elle a fait appel à deux guitaristes et non des moindres, des guitaristes plutôt coutumiers des musiques de traverse, John Dieterich de Dire Ouf et Thomas Bonvalet alias L'Ocelmar. Le disque est très très très étonnant et fort réussi. Do You Burn par Power Dove. On va continuer avec une découverte de l'automne dernier, très exactement. Il s'agit d'un groupe australien qui se prénomme Sky Needle et qui ont la palme de la musique la plus incroyable découverte en 2013 dans l'Asie le plus sûr. Il s'agit de musiciens de Brisbane en Australie qui jouent exclusivement sur instruments cousu-main et bricolés dans leur garage avec une sensibilité très proche de l'art brut ou primitif. Et ils ont publié en 33 tours leur second opus sur le micro-label parisien Pas Piqué des Hannetons, lui non plus Bruit Direct Disc, sous le titre Debased Shapes. Je propose d'écouter le titre Cold Sweat par Sky Needle, extrait de ce Debased Shapes. Thank you.

une séquence qui respirait pas franchement la bonne humeur et la joie de vivre. On va dire que ça ira mieux en 2014. Juste à l'instant, il s'agissait du duo mixte Tête et Jambes et deux guitares voix. Kim Gordon, l'ex Sonic Youth et Bill Nace, qui est la valeur montante de la guitare Free Noise triturée, qui se sont fendus de ce très beau disque de Crépitement et de Larsen, comme on les aime, très très lo-fi. Cet album sorti sur Matador à la rentrée dernière sous le titre Coming Apart, qui est vraiment un petit bijou, double album avec des très longues pièces également, pas loin de 70 minutes de Body Head avec un slash entre les deux. Et juste avant, il s'agissait du quatuor de Brisbane Sky Needle, qui est un peu mes chouchous de 2013. Ce combo australien qui joue une sorte de post-punk bancal sur instruments proto-instruments plus exactement customisés par leurs soins, des tuyaux actionnés par des souffleries à pompe, des simili-guitares ou des proto-basses, une musique entre Harry Parch et les Raincoats ou encore les Theoretical Girls, pour vous donner un peu un aperçu. Et il y a pas mal de vidéos d'ailleurs à regarder sur internet de ce projet Sky Needle. Voilà, on va enchaîner avec un disque qui est sorti fin 2012, mais qu'on a écouté surtout à partir de février, et j'ai commencé à vous le diffuser notamment dans l'asile du 4 février. C'est l'album de Hacker Farm, sorti sur Exotic Pylon sous le titre UHF. Alors Hacker Farm, c'est le projet des Britanniques Farmer Glitch et Kev W qui avaient sorti déjà un album en 2011 que le critique Simon Reynolds avait sélectionné comme disque de l'année. Celui-ci, cet UHF, était aussi album de la semaine de The Guardian au mois de décembre 2012. Ils avaient fait d'ailleurs une couverture et il y a eu un très très long dossier sur eux dans le Wire, ce qui n'est que justice. C'est un projet qui joue également beaucoup sur instruments vintage électroniques customisés, et ça dans des ruines industrielles en Angleterre, donc avec des séquenceurs et synthétiseurs notamment fabriqués à partir de bidons. Je propose d'écouter un extrait de cet album de Hacker Farm, le titre Grinch, extrait de ce UHF, et on écoute peut-être le morceau le plus dansant de Hacker Farm et de cet album. We'll be right back. Thank you. très beau disque de 2013, une triplette de musique électronique. On a eu beaucoup de choses à sortir cette année dans les musiques industrielles électroniques. Je pense notamment à Metasplice qui nous a gratifié d'un nouvel album sur Morphine Records, le duo de Philadelphie. Mais on a démarré avec Hacker Farm et leur opus UHF sur Exotic Pylon. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir les différentes vidéos documentaires qui permettent d'illustrer leur musique électronique vintage. C'était enchaîné avec la musique de M-Plex. M-Plex est le disque Your Crate Has Changed, sorti sur Mordant Music au mois de novembre. M-Plex, qui est la rencontre entre les deux enfants terribles des musiques électroniques post-industrielles britanniques, Ecoplex, de son vrai nom Mr. Nick Edwards, ainsi que Yann X, alias Baron Mordant, ou encore Mordant Music. Donc deux Lascar très très actifs dans les musiques électroniques de vintage et revivifié dans cet album de M-Plex, du spoken words dans la grande tradition britannique à la coil, avec des textures de générateurs de sons analogiques de très très bon goût. Cet album Your Crate Has Changed, et c'était enchaîné avec un autre disque. Alors là c'est vraiment tout autre chose, un autre genre d'animal, ce Rashad Baker tradition Music of Notional Spaces Volume 1, sorti sur le label de Bill Cooligas, qui a sorti quantité de choses cette année 2013 sur son label Panact. Rashad Baker, qui est l'ingénieur son d'origine syrienne, qui a grandi en Angleterre et qui a enregistré des centaines voire des milliers de LP de musiques innovantes ces dernières années en tant que mixeur et ingénieur son studio, notamment pour le studio The Plates and Mastering à Berlin. Et donc il s'est fendu de son premier album officiel sur Panact, qui est un disque complètement incroyable. On pense au daxophone de René Lucier ou à certaines recherches électroniques de Yanis Xenakis pour ce disque de Rashad Baker qu'on a écouté vraiment en boucle en cette année 2013. Je propose d'enchaîner avec une séquence de jazz ou affilié qui va démarrer avec le retour du trio Jean-Louis, à savoir Emery Cavis et sa trompette qui fait plus penser à une guitare sursaturée, Joachim Florent à la basse électrique ou contrebasse et Francesco Pastacaldi à la batterie et différentes percussions. Ils ont publié leur troisième disque en date sur leur label Tranche Musique en coproduction avec Quax Records. C'est sorti un peu avant la rentrée au mois d'août. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'album est sacrément réussi. Je propose d'écouter un titre qu'on n'avait pas diffusé dans L'Asile le plus sûr, le morceau Goliath par Jean-Louis. Thank you. À l'instant, pour cette séquence de jazz qui partait dans tous les sens, on a démarré avec nos Jean-Louis qui nous ont gratifié d'un très bel opus, une très belle galette vinylique sous le titre de Uranus. C'est sorti sur Tranche et Quax qui nous a aussi gratifié de pas mal d'autres très bons albums en cette année 2013, comme notamment le nouvel album de Métallophone ou encore le très beau CD rencontre entre le collectif parisien et des musiciens d'outre-Manche sous le titre Tweedledee. C'était enchaîné le disque de Jean-Louis avec Ikwe Mori qui rencontrait Steve Noble sur l'album Prediction and Warning sorti sur Fataka Records. Alors là, c'était vraiment pour vous signaler ce jeune label d'improvisation londonien qui existe depuis tout juste un an et qui a déjà sorti 7-8 références dans le jazz et improvisé. Donc avec notamment pas mal de duos tels que Axel Dorner, Mark Sanders, Nate Woolley et Seymour Wright, ou encore John Edwards en compagnie de Ho-Kyung Lee. Et donc pour ce Prediction and Warning, on retrouvait la vétérane new-yorkaise Ikwe Mori, qui vient d'ailleurs de fêter ses 60 ans en décembre au club The Stone de New York City en compagnie d'un autre vétéran. Ils ont commencé à peu près à la même époque, à la fin des années 70, Steve Noble, également dans l'avant rock et le post-punk, notamment au sein de Ribrick and Panic et de quantité de choses depuis, notamment dans l'impro free de très très bon goût. Et c'était terminé, c'était enchaîné ce titre de Ikwe Mori et Steve Noble, mélange électronique et percussion, avec un titre de jazz free de la plus belle espèce, et il s'agissait de Cactus Truck. Cactus Truck qui est vraiment la découverte aussi de l'Asile le plus sûr de cette année 2013, le trio entre le saxophoniste américano-batave John Dickeman en compagnie de deux musiciens hollandais, Jasper de Statuders, guitare et basse électrique, et Ono Govert à la batterie. Ils ont fait paraître ce brand new for China. C'était sorti en 2012, et celui qu'on entendait à l'instant, il s'agissait du Live in USA, 71 minutes, qui rassemblait 3 sets en concert enregistrés pendant leur tournée monstre aux États-Unis de l'automne 2012, où ils avaient enchaîné pas moins de 42 concerts entre le 22 octobre et le 12 décembre, très exactement. Les Cactus Truck qu'on a eu la chance de voir d'ailleurs au festival Jazzaluse l'été dernier et qui seront en concert au printemps 2014, qu'on se le dise. Voilà, on va enchaîner avec un autre disque de jazz free. Alors j'ai eu aussi pas mal le choix et surtout l'embarras pour sélectionner un disque sorti en 2013, et mon choix s'est porté assez vite sur le disque de Power of the Horns, qui est un collectif polonais constitué de pas moins de 5 soufflants, 2 trompettes, 3 sax et un trombone. C'est le projet du trompettiste Piotr Damasiewicz. Voilà pourquoi on surnomme ce Power of the Horns le Damas Ensemble. Je vous propose d'écouter un extrait de ce Alaman sorti sur le label polonais Fortune Records. Alors, ce sont des très très longues pièces enregistrées en concert. Les vidéos sont d'ailleurs visionnables sur YouTube, et on écoute donc un extrait de ce titre qui fait pas moins de 27 minutes. Évidemment, on n'écoutera qu'une partie. La musique de Power of the Horns dans l'asile le plus sûr avec cet extrait de Alaman, le disque sorti sur le label Fortune Records, une sorte de art ensemble of Chicago de Cracovie, très très beau disque et très beau collectif. Alors, je ne sais pas si ça tourne beaucoup à l'ouest, en tout cas des musiciens à écouter de toute urgence. Voilà, j'espère que cette spécial et ce top 15 des disques de 2013 de l'asile le plus sûr vous aura émoustillé et donné le goût d'écouter des musiques innovantes en 2014, année que je vous souhaite la meilleure, tout plein de bonnes choses et de bonheur. On se quitte avec un projet collaboratif entre Aidan Baker, le Canadien féru de Drone Doom, l'Italien Andrea Belfi du projet Aidan Baker du projet Nadja, Andrea Belfi qu'on a entendu aux côtés de David Groups et Eric Skoftvin, c'est dur à dire le nom de ce Norvégien qui officie plus souvent sous le nom de Svartgreiner et qui s'occupe du label Miasma, qui a sorti ce projet collaboratif sous le titre de BBS en 2013 avec deux parutions, un album long sous le titre de Brick Mask. Mais je propose de conclure avec leur 45 tours Half Moon, un très beau disque de musique ambiante propice au décollage à la verticale comme de juste. Et je vous souhaite donc une très très bonne nuit et je vous dis à l'année prochaine, à bientôt.